Bonjour à tous. Alors, Jürgen m'a demandé de présenter un peu un projet qui a démarré avec des étudiants avec qui je travaille toute l'année. Et voilà, c'est un exercice pas très facile à faire parce que monologuer comme ça, c'est un peu compliqué. Et je vais essayer de le faire avec le plus de naturel possible. C'est plus simple de répondre à des questions, mais bon, voilà. Donc, je m'appelle Anne et je suis prof d'anglais, en fait, à l'IUT de Marseille. Un IUT, c'est un institut universitaire de technologie et nos étudiants en deuxième année doivent participer à un projet sur lequel ils travaillent toute l'année. Et donc, cette année, j'ai proposé ce projet site de français et donc j'ai travaillé avec un petit groupe d'étudiants, de 6 étudiants au départ, puis de 5, hein, il y en a une qui a arrêté en route. Voilà, et donc en fait l'idée est partie de, disons c'est pas du tout original, hein. Je suis partie de ce que j'avais vu sur internet et de ce qui me servait beaucoup, c'est-à-dire un site d'anglais qui s'appelle Hello. E3LO, pardon, qui est un site fait par un anglophone, un Américain qui vit au Japon et qui a développé son site avec plein de conversations courtes sur la vie quotidienne des gens, etc., en anglais. Et voilà. Et en fait, je m'en sers avec mes étudiants pour qu'ils écoutent, disons, des conversations assez authentiques, assez courtes. Hein. Il y a la transcription. Et en même temps, c'est un super témoignage sur la vie quotidienne, hein, de tous ces gens-là, c'est-à-dire des gens de langue anglaise qui vivent au Japon, qui vivent aux États-Unis, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est enfin, vraiment rien d'original de ma part, hein, et simplement, ben, je me suis dit que si nous, on y trouvait enfin, un grand intérêt là en France quand on apprend l'anglais, je me suis dit qu'après tout, sûrement les gens qui apprenaient le français pouvaient aussi avoir envie de trouver ce genre de choses. Hein. Et voilà, et c'est parti de là. Et je me suis dit donc qu'on pouvait faire la même chose sur le français. Et comme j'ai la chance d'avoir beaucoup d'étudiants sous la main, si je puis dire, hein, bah c'est devenu un projet dans lequel ils entrent en jeu. Donc avec mon petit groupe, bah on a commencé à travailler d'abord sur bon, ce qu'on voulait faire, et puis quelques conversations, et puis ensuite sur le site lui-même, enfin le design du site, etc. Bon, ça a pris quand même du temps parce que c'est, disons que le projet des étudiants, c'est quelque chose d'assez limité dans leur semaine. Hein. Ils y passent au maximum 1 heure, hein, par semaine. Hein. Donc c'est pour ça aussi que le projet a avancé très lentement au départ. Hein. Et voilà, mais maintenant il est un peu plus lancé et je pense que ça va continuer de toute façon. De toute façon, à la rentrée avec un nouveau groupe d'étudiants. J'ai déjà des étudiants qui sont venus me voir pour me dire qu'ils avaient envie de participer à ça et d'y travailler. Donc je pense que maintenant la relève est assurée. Et voilà. Et donc pour en revenir un petit peu à. Enfin, pourquoi ça me plaît de faire ça et pourquoi je pense que ça plaît aussi à mes étudiants de faire ça, c'est parce qu'on avait envie de, comment dire, oui, de mettre un petit peu en scène le français tel qu'on le parle, tel qu'on l'entend autour de nous tous les jours, avec, je sais pas, les hésitations, les formulations approximatives, bancales, les erreurs, enfin, tout ce qui fait que quand on arrive dans un pays étranger, enfin, le pays dont on apprend la langue, tout ce qui fait qu'on ne comprend pas grand-chose finalement. Parce que c'est vraiment autre chose que, enfin, parler une langue, c'est autre chose que juste connaître la grammaire, connaître le vocabulaire qu'on trouve dans un manuel, c'est vraiment complètement différent. Et ça, on ne peut pas le trouver, je pense, dans un manuel, dans une méthode de langue, parce que l'auteur du manuel et l'éditeur, enfin, ils ne peuvent pas se permettre d'écrire, d'imprimer, de publier tout ça. On ne peut pas publier des conversations où les gens oublient la moitié des négations, où ils mettent des là et des quoi et des tout à tout bout de champ dans leurs phrases et tout ça. Donc, Je me suis dit que ça, c'était quelque chose qui pouvait vraiment intéresser quelqu'un qui est motivé par l'apprentissage du français. Parce que moi, c'est ce que j'ai recherché aussi dans l'anglais à un certain moment. Et voilà, je ne voulais pas juste écouter la radio, regarder des émissions de télévision. Je voulais aussi entendre des vrais gens qui parlaient réellement. Et tout ça sans forcément vivre dans le pays. Parce que bon, c'est bien joli, mais on ne peut pas. Enfin, voilà, on peut aller dans le pays dont on apprend la langue pendant des vacances, etc. Mais à part s'y installer, sinon on n'a pas l'occasion de vraiment entendre la langue telle qu'elle est parlée. Donc voilà, et c'est ça qui est vraiment formidable avec Internet, c'est que c'est possible, hein, en fait. Hein. Et quand je repense à la façon dont moi j'ai appris l'anglais quand j'ai commencé, il n'y avait rien d'autre que le prof, il n'y avait rien d'autre que le manuel, il n'y avait rien à écouter à part bon voilà la radio, des radios. C'était difficile de trouver des livres et des journaux si on n'était pas à Paris. Moi j'avais la chance d'être à Paris, de faire mes études à Paris et de pouvoir aller un petit peu en Angleterre, hein, pendant les vacances. Mais bon voilà, c'était un peu compliqué quand même. Alors qu'aujourd'hui finalement avec Internet, on trouve tout ça et il y a une richesse extraordinaire, donc je me suis dit après tout, on peut peut-être participer, essayer de participer un tout petit peu à cette richesse. Et puis, ce qui m'intéresse en fait, c'est aussi le côté un petit peu petite chronique, un petit témoignage, petit morceau de vie. C'est sans prétention, pour que les gens qui écoutent se fassent une idée eux-mêmes, hein, de la façon dont on vit en France, hein, qu'ils se fassent une idée de nos habitudes, de nos différences. Voilà, c'est pas un cours, hein, c'est pas impersonnel. Hein, je trouve que c'est ça qui est vraiment important, en fait, c'est de découvrir peu à peu comment les gens vivent dans un autre pays à travers oui, leur vie quotidienne. Hein. Et c'est tout ce côté-là qui me paraissait intéressant. Et ce qui m'aide aussi, c'est de pouvoir comparer justement deux cultures, notamment enfin, la culture française et la culture américaine, et de comprendre un peu ce qui peut être difficile dans notre langue pour quelqu'un qui apprend le français. Parce que je suis en contact avec des étrangers, des Américains qui apprennent le français. Et puis, ça m'aide aussi pour comprendre ce qui est différent dans notre culture, parce que finalement, quand on vit dans son propre pays, on ne remarque plus tous ces petits détails de la vie quotidienne. Et finalement, on se dit, enfin, on se pose pas de questions dessus. Et quand on compare finalement à un autre pays, on se dit, ah bah tiens, oui, nous on fait les choses comme ça et ailleurs c'est différent. Donc c'est ces petites choses-là qui m'intéressaient, quoi. Et voilà. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'improviser, mais en même temps de préparer, c'est-à-dire réfléchir d'abord à ce qui pourrait intéresser, ce qui pourrait surprendre, ce qui pourrait amuser ou déplaire, hein, à des étrangers, en prenant un peu de recul par rapport à notre propre vie. Et réfléchir aussi à ce qui peut être intéressant du point de vue de la langue, hein, les mots, les expressions qu'on emploie sur tel ou tel sujet ou telle ou telle circonstance. Hein. Voilà, et puis après, on se lance, hein, et on essaie de parler à peu près comme ça vient, avec le plus de naturel possible. Et ça dépend un peu des gens, ça dépend du sujet, ça dépend de l'art de poser les questions aussi, et je pense que là-dessus, on va pouvoir vraiment progresser. Et c'est intéressant, je trouve, d'avoir des façons de parler différentes, hein, selon l'âge, selon le milieu social dont on vient, selon l'aisance qu'on a à l'oral ou pas. Et aussi le petit truc, oui, c'est que là, vous entendrez des accents qui sont différents parce que on est à Marseille, hein, et Marseille, c'est le sud de la France et donc il y a un accent très marqué. Et ce sont des accents que vous n'entendrez jamais à la télé, dans les films, je sais pas, à la radio, etc. Ni dans je sais pas, les enregistrements qui vont avec les manuels. Vous n'entendrez jamais ça. Vous entendrez un accent plutôt comme le mien, parce que moi je suis née à Paris et je me suis installée à Marseille il y a une quinzaine d'années. Donc mon accent a un petit peu changé, mais globalement c'est quand même un accent très standard. Enfin en tout cas standard par rapport aux critères utilisé dans les manuels d'apprentissage. Et voilà, donc c'est ça qui m'intéresse aussi, il y a ce petit côté-là, parce que c'est la France, parce que il y a le nord et il y a le sud de la France en quelque sorte, et que voilà, c'est du français. Et ça peut surprendre quand un étranger vient en France, ça peut le surprendre énormément de ne pas retrouver ce qu'il a entendu à l'école ou à l'université. Voilà. Et puis ensuite, ben, ce qui m'intéressait aussi, évidemment, c'était de transcrire tout ça, comme ça avait été dit, parce que c'est pas le tout d'enregistrer, mais il faut que les gens comprennent. Et ben, on écoute, hein. Enfin, je veux dire, un étranger écoute, et puis à un moment donné, il a peut-être besoin de voir les mots écrits. Et voilà, donc il y a ce côté transcription, transcrire exactement ce qui a été dit, même si c'est mal dit, même s'il y a des erreurs. Hein, et voilà, et donc bah, j'espère que. Et puis donner quelques petites explications aussi sur certains aspects voilà, qu'on trouve un peu importants, mais sans faire de cours, sans faire de grandes leçons. Je sais pas, je me dis que les gens se débrouillent après, et puis parce qu'on pourrait tout expliquer. Mais bon, les gens se débrouillent et puis selon leurs besoins, selon leurs motivations, ben voilà, chacun va aussi loin qu'il a envie. Et de toute façon, ben, s'il y a des questions, ben, les questions sont les bienvenues dans les commentaires et on répondra à tout ça. Voilà. Et donc, ben, vraiment, l'idée, c'est que c'est sans prétention, c'est l'idée de rendre service, hein, et puis de partager parce que. Voilà, c'est quand même une idée de base, je trouve, sur Internet. Et franchement, ça ne me viendrait pas à l'idée. Enfin, je veux dire, je supporte pas les sites d'apprentissage de langue et tout ça payants sur Internet. Hein, ça m'énerve profondément. Et bah, je trouve que c'est bien que là, voilà, il y ait des petites choses comme ça qui soient accessibles, hein, à ceux qui veulent. Et maintenant, ils peuvent télécharger. Et on n'est pas au top au niveau technologique. Ça viendra peut-être. Mais voilà, je veux que ce soit un truc pratique et qui rende service et qui permette bah, de partager notre français, partager notre culture un petit peu et bah, d'échanger avec des gens qui s'intéressent à la France et aux Français. Voilà. Merci.